cours numéro 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. ماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ تفضل. أخذنا باب في الخوف. فالخوف على أقسام. العلماء يسيت plusieurs catégories. الخوف, la peur أو la crainte. فالقسم الأول تفضل. خوف عبادة. نعم. خوف عبادة. فما هو؟ نعم خاص لله فما هو تفضل الذي يسير الى العباده لا بأس والقسم الثاني ما هو او القسم الاخر تفضل نعم خوف طبيعي فما هو نعم خوف له سبب ظاهر واضح وهذا السبب قد يضر هذا الشخص pourquoi il a peur لأن une chose elle peut vraiment lui faire du mal فمن طبيعة الإنسان أنه يخاف من الأسد par exemple أو un animal féroce qui peut lui faire du mal فلا شك أن طبيعة الإنسان أنه يخاف il a peur أما القسم الأول فماذا On revient, تفضل. أنا خاص لله لأن فيه تذلل وتعظيم. نعم فيه تذلل وتعظيم فلا يجوز الخوف من الله أو الخوف أقصد من غير الله عز وجل خوف عبادة. فمثلا عباد القبور كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يخافون من ميت qui a été enterré depuis de nombreuses années c'est le cœur ils ont une aqida il peut leur faire du mal il peut leur enlever une chose subhanahu wa ta'ala et c'est ça le shirk billah azza wa jal et on avait détaillé akthar fi darsina wa lillahi alhamd من يقرأ هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ مسلم شيخ محمد بن عبد الرحمن بن سليم على التميمي رحمه الله تعالى باب قال الله تعالى إن بدنك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافني كنت مؤمنين وقوله إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك من المهتدين وقوله ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوتي في الله جعلت فتنة الناس عذاب الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخاء الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يفتك الله إن رزق الله لا يدوره حرص الحارس ولا يدوره ولا يرده كراهية كارهة قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضاه الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس هو أبو حاتم صحيحه رواه ابن حبان في صحيحه نعم أحسن ومن يقرأ باب اليوم تفضل قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تقدم معنا من كلام الشيخ سعدي رحمه الله أن المصنف رحمه الله après avoir cité باب الخوف أي la peur, la crainte d'Allah سبحانه وتعالى أي on doit craindre que Allah عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل celui qui est capable de châtier, de donner, de retirer, subhanah, on doit avoir peur que de lui, subhanah. Aïe khouf ibadah. Après avoir cité هذا الباب, Cheikh al-Islam, il a cité باب التوكل. Aïe anna l'insan la yakhaf min ghayr Allah, aïe il ne doit pas avoir peur d'autre que d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bel yajib alayhi an yatawakkal ala Allah. Il doit placer sa confiance en Allah, azza wa jal. Amma al-makhlouq fadha'if. Al-makhlouq, il peut te faire aucun mal que si Allah subhanahu wa ta'ala kataba dhalik. Il a qadr, il a décrété dhalik. Wa illa fal-makhlouqat dha'ifa. On répète la parole de Cheikh Sa'di rahimahullah. Qala fahuwa min al-akhlaq na'am al-radhilat. Thumma qala wa lihada kana al-iman. Tout à la fin du shorh, du bab précédent. At-tam wa at-tawakkul wa shaja'a. تدفع هذا النوع أي الخوف الوهمي أي الخوف كي فوندي سور ريان il n'y a pas de اسباب ظاهره فهذا لا ينبغي لا ينبغي pour le muslim et on avait cité des exemples قال حتى ان خواص المؤمنين واقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم امنا وطمأنينة pourquoi بعض المؤمنين ceux qui ont un tawhid qawi, iman qawi, هذه المخاوف, ces choses qui font peur, pour eux, ça devient amn wa tuma'nina. Et on avait cité l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, fi al-ahzab wa fi ghayriha min al-ghazawat. Annahum, ils étaient peu, al-adou, ils étaient beaucoup plus nombreux, et ils étaient encerclés. Lakin, قوة إيمانهم وتوكلهم على الله le خوف que certains ils auraient eu à ce moment هم, ça c'est, il a été remplacé par أمن وطمأنين ils étaient en sécurité ils étaient apaisés لماذا لأنهم cette عقيدة أن si Allah سبحانه وتعالى il veut il les secourra si Allah سبحانه وتعالى il veut هذا العدو il ne pourra rien faire. Celui qui a cette aqida, voilà, chacun de sayartah, jiddan. Et vous avez remarqué que c'est lié avec le qadr, avec l'iman bil qadr, et la foi au destin. Qala rahimahullah, li quwwat imanihim wa shaja'atihim, al-shaja'atu al-qalbiyya. C'est cette shaja'a, ce courage. Vous avez remarqué que Cheikh Sa'di rahimahullah, qayyid. Il a cité shaja'a, c'est le courage, et il a précisé shaja'atu al-qalb. Aïe, le courage du cœur. Pas que le physique. Mais là, la force du cœur, c'est Azam, Kouwa. Qala wa kamal tawakkulihim wa lihada atba'ahu bihada al-bab. C'est pour ça qu'après le khawf, il a cité Hada al-bab, al-muhim bab, al-tawakkul. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala. Arad al-musannif bihada al-bab. بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد هذا التوكل c'est عمل قلبي c'est dans le cœur ils traduisent par placer sa confiance c'est une عبادة on n'a pas le droit de أي نتوكل على غير الله سبحانه وتعالى فلماذا لأن الواجب التوكل على الخالق القوي القادر عز وجل على كل شيء أما pourquoi tu placerais ta confiance en un ضعيف il ne peut pas t'aider il ne peut pas te secourir il ne peut pas repousser un mal s'il te touche il ne connaît pas l'avenir il ne connaît pas l'invisible il est faible لماذا تتوكل عليه c'est pour ça que التوكل c'est une عبادة et on doit accomplir cette عبادة que pour Allah سبحانه وتعالى أما تعريف التوكل وحقيقته هذا سيمبورتون أي سي كوا فريمون التوكل لا تخادكسيون سا سوفي با لأن ce genre de mots, هذه الألفاظ في اللغة العربية لها معاني عظيمة, قصص التوكل, قصص الخوف, قصص الرجاء, هذه الأعمال القلبية, une traduction ça suffit pas. لهذا celui qui veut progresser et avancer في دين الله عز وجل وفي العلم, il doit faire des efforts في اللغة العربية. Vous avez remarqué que si on fait مجرد une traduction, c'est pas, t'auras pas en حقيقة le vrai sens et qui va t'aider à faire monter ton iman et faire des efforts comme celui qui comprend هذه المعاني en langue arabe et qui fait des efforts. أبدا. لهذا c'est très très important. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. تعريف جامع. أما placer sa confiance en Allah, ils traduisent هكذا, tu comprendras pas toutes ces معاني que l'ulama cite en arabe pour expliquer التوكل, sauf bien sûr s'ils traduisent هذا التعريف. لكن en langue arabe c'est انفع, c'est abrak, il y a de la baraka dans la langue arabe. لماذا؟ لأن c'est لغة القرآن, c'est لغة الرسول صلى الله عليه وسلم, c'est أفضل اللغات. فلا شك أن celui qui apprend الدين avec la langue arabe, il y aura de la baraka, il y aura du khair dans son ilm, il comprendra beaucoup plus. Et plus on s'écarte de la langue arabe, plus ça peut être une cause d'incompréhension. Et cette incompréhension, elle peut pousser à l'égarement, iyadam billah. C'est pour ça que l'ulama yaqouloun anna awwal adh-dhalal, les premiers égarements qui sont rentrés dans cette umma, une des causes c'est al-ujma. Et quand al-ajim, ils sont rentrés, ils se sont convertis, ils sont rentrés bidinillahi azza wa jalla, fa-ba'dhuhum, ils ont mal compris les textes et ils ont inventé des choses, ils ont déformé des choses. Faire revenir à l'asl, la source, et la langue arabe, la buddhamin, pour celui qui veut faire des progrès fil ilm. قال شمع عثيمين رحمه الله هو الاعتماد على الله سبحانه. الاعتماد c'est s'accrocher, تعتمد على الشيء. فالاعتماد على الله لا على غيره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما تقدم سي القوي علام الغيوب عز وجل. فإذا اعتمدت عليه, tu places ta confiance en lui, فالله سبحانه وتعالى il est capable de tout. أما مثلا الذين يرجعون إلى الأولياء الأموات des morts يتوكلون عليهم, est-ce qu'ils vont réussir à ou là? Abadan. Awalan, c'est du shirk billah azza wa jal. Et kadhalik, ils perdent leur temps. Lianna hadha al-mayyit, il peut rien lui donner. Il peut pas repousser un mal qui va le toucher. Il connaît pas l'invisible. Afa al-haqiqa, ils perdent leur temps. Et a'azam min dhalik, ils perdent leur din, iyadan billah. Fal-i'timad ala Allah. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wahda. Fi husul. Al-i'timad, il est vimada. تعتمد على الله في ماذا؟ قال في حصول مطلوب. Quand tu as besoin de quelque chose. مثلا, tu t'es marié, tu désires avoir un enfant, توكل على الله. لا تعتمد على غيره. لماذا؟ لأن c'est que Allah سبحانه وتعالى qui peut قدر que tu as un enfant, لا غير. فsi tu as besoin de quelque chose, توكل على الله. قال أو دفع المكروه. Cet enfant, on garde le même mithal, comme ça c'est wadih. Cet enfant, si il tombe malade, tawakkal ala Allah. Fais du'a. Et espère que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li annahu, c'est le seul qui est capable, azza wa jal, de repousser hada al-makruh. Al-makruh, c'est quelque chose qui fait mal, ou qui fait du mal. Ma'a thiqa bih. Ma'a thiqa tibihi, azza wa jal. Et être sûr. حسن الظن كالله سبحانه وتعالى il veut notre bien, que si on est touché par un mal, Allah سبحانه وتعالى il est capable d'écarter ce mal de nous, et c'est une épreuve. هذه الثقة كذلك elle va aider ce مؤمن à patienter, لأن الإنسان il est touché par des épreuves, خاصة المؤمن, خاصة celui qui fait des efforts في الدين. لكن هذه الثقة وهذا حسن هذا الحسن حسن الظن بالله عز وجل صبالي. قال رحمه الله وفعل الأسباب المأذون فيها. تأمل هذه القيود العظيمة. توسا هذا الاعتماد. Tu places ta confiance en Allah. Si tu as besoin de quelque chose ou si un mal il te touche et tu as une bonne pensée, حسن الظن ثقة يقين. توسا en faisant les asbab, les causes. Si on revient à notre mythal, celui qui veut un enfant, il doit faire les causes. Amma, s'il prétend annahu yatawakkal ala Allah et il ne se marie pas, et il yaqul ana atawakkal ala Allah pour avoir un enfant, hada samina safaha. Hada al haqiqa, ça contredit le din et ça contredit l'aql. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى il a créé l'homme, la femme, il a créé des asbab. Celui qui désire avoir un enfant, il doit faire le sabab. Enfin, tu fais la cause, tu te maries, ثم تتوكل على الله. لأن tu peux te marier et Allah سبحانه وتعالى il ne قدر pas que tu as un enfant. فأنت tu te maries et تتوكل على الله. Si cet enfant il vient, فالحمدلله. S'il ne vient pas, فقدر الله ما شاء فعل. Et تصبر. Et لعله c'est un خير pour toi. قال المأذون فيها. Et ça c'est important, c'est un autre قيد. لأن هذا السبب سدويت خان السبب مأذون فيه إما شرعي إما قدري. المهم c'est pas quelque chose de haram, c'est quelque chose que Allah il a autorisé ou légiféré. فمثلا si on revient au à notre مثال l'enfant, enfin celui qui veut un enfant, يتزوج un زواج صحيح عقد شرعي بإذن الله عز وجل يحصل على خير. هذا c'est un تعريف طيب avec le مثال qu'on a ajouté pour éclaircir ou la'alla هذه الكلمة واضحة التوكل. قال شيخ ابن عثيمين ولا بد من أمرين. For deux choses donc في التوكل. قال الأول أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا. اعتماد على الله. Placer sa confiance en Allah. N'espérer que de lui. عز وجل. Ça c'est la première chose. C'est ça حقيقة التوكل. قال الثاني الأمر الثاني فعل الأسباب المأذون فيها faire les causes. C'est deux choses في التوكل. أما بعض الناس ils exagèrent dans un des deux points et ربما ينحرف et on citera une فائدة في هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى une parole معروفة مشهورة في هذا قال الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قطح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك. فدو سكخ الشيء السبب سيدو الشرك. تعتمد عليه. لأن السبب سيكون سبب. أما الاعتماد إلي على من؟ إلي على الله. فسكخ الشيء السبب سيدو الشرك. إن وبغى التفصيل. إن شاء الله. وترك الأسباب ديلي السيليكوز قطح في الشريعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر مثلا celui qui veut un enfant, amarahu bil zawaj. Ankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Ankihu, qala azza wa jalla, mariez-vous. Celui qui dit ça, il veut avoir un enfant, hada c'est min as-safaha. Wa li hada qala shaykh al-islam qadhun fi al-sharia. Al-qadh c'est attaquer, taqdah fi fulan, critiquer. Fa ka'annahu ismuk. Et صحيح. مثلا tu dis à واحد, si tu as soif, مثلا il y a de l'eau pas loin et il a soif. Et tu lui dis si tu as soif, va chercher de l'eau. Et يقول مثلا ou si il dit انا اتوكل على الله. هذه سفاهة. هذه سفاهة. لا, il doit aller chercher l'eau et يتوكل على الله. Peut-être qu'il arrivera pas, peut-être que quand il arrivera il y aura plus d'eau, il a arrêté. لكن la cause il doit la faire. فلابد من هذين الأمرين الاعتماد على الله وحده وأخذ الأسباب المأذون فيها. Vous avez remarqué qu'il n'a pas dit l'asbab الشرعية. لأن ça peut être un asbab قدري. مثلا tu veux boire de l'eau, tu dois faire un sabab. C'est pas un sabab الشرعي. Sans parler de niya bien sûr. C'est pour ça qu'il a dit المأذون فيها. المهم أن الأسباب أن هذا السبب مأذون فيه لأوتوريزي. Ça peut être une ibada, ça peut être quelque chose de moubah, comme boire de l'eau, il a akhir. Qala rahimahullah, باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد أراد المصنف في هذه الترجمة بالآية أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، إن التقديم المعمول يفيد الحصر. Vous avez remarqué que l'aya commence par « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ». فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala قال وعلى الله، il a cité على الله avant فتوكلوا. الجار والمجرور il est cité avant. Alors qu'en arabe, il est cité après. Quand il est cité avant, c'est ça قول Cheikh عبد الرحمن رحمة الله عليه. فإن التقديم المعمول، المعمول c'est على الله. قال يفيد الحصر. On avait expliqué هذا في تفسير سورة الفاتحة عند قوله إياك نعبد. نعبد إياك. فعل فاعل مفعول. Le مفعول il a été avancé. إياك نعبد. ينفع إذا عظيمة في لغة العرب الحصر. أي العبادة كبوا الله سبحانه وتعالى. هنا نفس الشيء وعلى الله فتوكلوا. التوكل كسر الله سبحانه وتعالى لا غير. هذا معنى كلامه. قال أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. سسا معنى الآية وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره. تستفيد من هذا تقديم المعمول إن كنتم مؤمنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان قوله إن كنتم مؤمنين. إن حرف شرط، الشرط هنا إن كنتم أي سيبوزت دي مؤمنون فتوكلوا على الله. قال رحمه الله وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. هذا سنموت أن التوكل المؤمنون sont pas tous au même rang au même degré في التوكل. تتخوف بعض المؤمنين إذا التوكل قوي، لماذا؟ لأن الإيمان لقوي. تتخوف البعض إذا التوكل ضعيف، لماذا؟ لأن الإيمان لضعيف. فالتوكل يموت يلوغموت et diminue que l'iman. أما celui qui n'a pas du tout de tawakkul, هذا il est على خطر عظيم. لأن الله عز وجل قال إن كنتم مؤمنين. هذا الكلام من فتح المجيد، حتى كلام ابن القيم إلى في فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ذكره. On cite الحكم et c'est حكم الباب et c'est أقسام التوكل. قال الشيخ سليمان رحمه الله، الشيخ سليمان آل الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد، le premier ou le شرح، un des شرح les plus célèbres على كتاب التوحيد، et il n'a pas fini رحمه الله، et c'est من أنفس وأنفع الشروحات، et فتح المجيد صاحب فتح المجيد استفاد منه وزاد، et il l'a fini، ففتح المجيد c'est devenu la référence. قال التوكل على غير الله قسمة، أما التوكل على الله فإن عبادة انتهينا، بقي التوكل على غير الله دكا. قال أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، هذا شرك أكبر. توكل على مخلوق على بشر، et il a cité l'exemple لأنه il est répondu عند الخرافيين القبوريين أنهم يتوكلون على الأموات dans une chose qu'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire. مثلا النصر، أو il a cité الحفظ أو الرزق. Prends l'exemple de الرزق pour garder دائما notre مثال sur l'enfant. فلو توكل عيدا بالله شخص على ولي ميت pour avoir un enfant، هذا c'est du shirk akbar. توكل c'est son cœur، il va espérer، il va s'accrocher sur على هذا المخلوق. Pourquoi؟ أنه il espère avoir un enfant، il pense qu'avec ce توكل il aura un enfant. لكن عيادا بالله c'est توكل على ميت. هذا لا شك سيد الشرك أكبر. لماذا؟ لأن celui qui donne des enfants c'est Allah سبحانه وتعالى وحده. هذا واضح. Donc premier cas c'est du shirk akbar. الثاني التوكل على الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع من الشرك الأصغر. أما celui qui يتوكل على السبب الظاهر مثلا يغسوه un salaire ou quelqu'un lui donne et il tawakkal ala hada shay, la haqiqa c'est quelque chose de zahir, c'est un sabab qui peut l'aider bi'idnillah azza wa jalla, hada c'est du shirk asghar. Ça nous montre an at tawakkul c'est lillah subhanahu wa ta'ala wahda. Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité un mithal tayyib, naqra qala, il a cité at taqsim et il ressemble à celui de Cheikh Sulaiman alayhim rahmatullah. Qala mithal, et pour shirk asghar, اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه. كثير من الناس يعتمدون على العمل. مثلا il a un salaire, il travaille ويعتمد على هذا الشيء pour le risk. Alors que في الحقيقة c'est qu'un سبب. Vous vous rappelez de la parole de Cheikh al-Islam, الاعتماد على الأسباب الشرك. فأنت quand tu travailles, tu reçois un salaire, لا تعتمد عليه. Bien sûr, tu fais les courses, tu travailles et le salaire, bi'idnillah azza wa jal, il vient. Amma al-i'timad, tu penses, anna si tu te fais renvoyer, mathalan, de ce travail, anna ka rubbama, tu vas mourir de faim, hada, c'est i'timadun ala al-asbab, et c'est nou' min al-shirk al-asghar. Amma al-insan, yatawakkal ala Allah. On fait les courses et on sait très bien que hada al-rizq, c'est bi'idnillah azza wa jal. Qal shaykh ibn Uthaymeen, wa lihada tajid al-insan. يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار. افتقار ça veut dire الفقر. أي كأنه si il a plus ce salaire il va pas manger, il va pas boire. Alors que هذا c'est pas comme ça أبدا. C'est pour ça que tu trouves بعض الناس vu qu'ils ont un tawakul ضعيف, ils travaillent dans une entreprise ou autre et ربما il fait du haram par peur de se faire renvoyer, كأنه il aura plus de risque. أما الذي يتوكل على الله يسأل لا الفائدة العظيمة الذي يتوكل على الله si ce travail ça contredit le din vu qu'il est معتمد على الله très simplement il délaisse. لماذا؟ لأنه il sait que c'est Allah qui donne. Comment il va travailler dans du haram alors que Allah lui a interdit et Allah lui a promis un rizq? Chacun il va délaisser ce travail très simplement. ولا يقلق ولا يخاف إلى بضيق بل il sait que هذا الترك c'est un tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse quelque chose lillah, man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min. Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. C'est ça la différence. Mais بعض الناس comme on a cité dans le dars précédent, peut-être qu'il délaisse la salat, pourquoi? لأنه il travaille. ثم si tu le conseilles, il te fait comprendre où il a besoin de ce salaire, peut-être qu'il a des dettes, il a des enfants, كأنه si il délaisse ce travail. لأنه يد حرام. On cite l'exemple, tu ne peux pas faire la salat à l'heure. فكأنه si il délaisse ce travail, il aura plus de risque. C'est ça, الشرك بالله. الشرك أصغر هنا. Pourquoi? Parce que c'est un سبب, ce salaire. لكن الاعتماد عليه لا يجوز. أما الاعتماد على الأموات, quelque chose qui n'est pas un سبب أصلا dans une chose, qui n'y a que Allah qui peut donner, هذا شرك أكبر. هذا المثال الشيخ ابن عثيمين, il est طيب. لماذا؟ لأنه il éclaircit. Le deuxième point, أي الشرك الأصغر, et كذلك, il a cité un مثال qu'on vit tous les jours, أي le travail. قال فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب. C'est pour ça qu'il يعتمدون على السبب. أما السبب, tu dois le détester, c'est un simple سبب. مثلا, si j'ai trouvé un travail, alhamdulillah, je vais au travail. لماذا؟ لأن j'ai une famille et j'ai besoin d'argent et je dois faire le سبب. Amma plus que cela, ce travail, ça devient un obstacle pour mon din. Et peut-être que je ne fais pas salat à l'heure, il y a du haram. Limada. Est-ce que risque, ton risque, il est restreint dans ce travail? Na'oudu billah. Qala azza wa jal wa fissama et rizqukum wa ma tu'adun. Ton risque, il a été écrit le jour où tu étais dans le ventre de ta mère. La takhaf. Fais des efforts, fi dinillahi azza wa jal faqat et tu délaisseras et tu mangeras. Wa lillahi alhamd. Et tu seras à la khayr. هذا سساء الخلاصة. Donc on retire de tout ça, le tawakkul c'est une ibada khassa lillahi azza wa jal. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire tawakkaltu ala Allah وعلى فلان. لا, توكل سي على الله وحده. Tu dis توكلت على الله. Et le reste c'est من باب السبب. Et السبب tu le fais sans t'accrocher. Et là, si tu t'accroches au sabab, s'il y a plus de sabab, ça va te faire du mal. Là, fais le sabab. Si un autre sabab, tu fais un autre sabab. Si ce sabab, il te fait du mal dans ton din, tu le délaisses. Wa hakada. Kadhalik la yajouz de dire tawakkaltu ala Allah, thumma ala fulan. Pourquoi? Lianna tawakkul, c'est une ibada. Fale lillahi wahda. Ka'annaka, tu peux pas dire je fais salat pour Allah subhanahu wa ta'ala, thumma pour fulan. لا الصلاة عبادة لله عز وجل وحدها هكذا التوكل. قال شيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد, ولهذا قال طائفة من أهل العلم لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك, لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل. المخلوق إلى أك نصيب في التوكل. Ne pas confondre avec التوكيل. توكيل c'est autre chose. شيخ صالح الفوزان حفظه الله نبه على هذا في شرح الأصول الثلاث, قال أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا, إنما يسمى توكيلا. مثلا tu vis ici et tu charges un frère de faire telle chose pour toi. Tu lui as laissé مثلا ton commerce, ou il doit t'acheter telle chose, il doit te réparer telle chose. توكله, ça vient de توكيل, ça vient pas de توكل. فهذا ça n'a rien à voir avec العبادة. هذا هذا سي مشروع, tu as le droit. فهذا والله تعالى أعلم. قال رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية إلى آخره. Il aurait cité la suite, ça aurait été tayyib. Il y aurait le shahid. Lakin, Cheikh l'Islam, ahyanan yaf'al hakadha. Aw c'est mina an-nasikh, ceux qui ont recopié, probablement ils ont qu'tasr l'aya. Aw ahyanan, il cite le début, le shahid, il est à la fin ou au milieu. Wa hakadha yaf'al l'imam al-Bukhari, rahimahullah, c'est sahih. Ahyanan, il cite un bab, thumma il cite une aya, et en fait, tu ne fais pas le lien avec. Avec l'aïa qu'il a cité. Il a cité le début. Faqat. Et tu trouves le shahid. Si tu lis tout le verset. Ouais, il te cite faqat le début. Hada. Qala wa qawlihi ya ayyuhan nabiyu hasbuka allahu wa man ittaba'aka min al mu'minin. Ou qabla hada, on cite aqsam al nas fi al tawakkul ou fi ittikhad al asbab. لماذا؟ لأن هنا قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. فالمؤمنون كما تقدم معنا أن بعضهم يزون التوكل قوي وبعضهم يزون التوكل ضعيف. والعلماء الست هنا مسألة طيبة أن الناس في هذا الباب أي في التوكل وأخذ الأسباب ils sont de plusieurs catégories. منهم القسم الأول قوم غلوا في الأسباب حتى جعلوا ما ليس بالسبب سببا كضلال الصوفية. Et on a vu beaucoup de d'exemples depuis le début du livre. مثلا pour se protéger de telles choses ils vont accrocher un fil. تقدم معنا dans les premiers أبواب. هذا c'est باطل. Est-ce que c'est un sabab? C'est pas un sabab shar'an. فلهذا العلماء يقولون أنه c'est pas un sabab shar'an ou qadran. لهذا العلماء يقولون أنه c'est من الشرك. ثم ça dépend de la niya إلى آخر. Est-ce que c'est أصغر أكبر تقدم. فهؤلاء جعلوا ما ليس بالسبب سببا. Ça c'est le premier extrême. Le deuxième قوم أبطلوا الأسباب. Tu as un autre extrême عيادا بالله كالجبرية. Et on l'a étudié ensemble, cette secte al-Qadariya ou al-Jabriya. Al-Jabriya, vous vous rappelez, alladhina ya'taqidun an al-insan majbour. Al-Jabr, c'est être forcé. Fa'indahum al-insan, vu que tout est écrit. Allah, il a tout décrété. Fa'indahum al-insan, il n'a pas le choix. Donc, pas besoin de faire des aspects. Tout ce que tu fais, ka'annaka t'es forcé. Hada, c'est min al-dhalal, kadhalik. Vous avez remarqué, le premier extrême, ils ont exagéré dans un point. prendre les causes. Le deuxième extrême, Al-Jabri, ils ont exagéré dans un autre point et ils délaissaient complètement les causes. Al-Qismu al-Thalit, Al-Sunnati wal-Jama'a, Rabatu bayna al-Asbab wa musabbibiha. Ils font les asbab, lakin la ya'tamidun aliha. Ya'tamidun ala Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأنه الخالق عز وجل الرازق سبحانه فيعتمدون عليه. أما الأسباب فيفعلونها سي سبب مأذون فيه autorisé أو شرعي et الحمد لله leur confiance elle est placée في الله عز وجل. انظر هذا الكلام بشيء من التصرف من فتح المجيد. كذلك أظن شيخ ابن عثيمين يذكر مثل هذه المسائل. فنقول قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد أن الله حسب من توكل عليه. حسب ب السكون سور السين. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقوله يا أيها النبي حسبك الله ستشاهد حسبك. قال حفظه الله فالله حسب من توكل عليه. فدل أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم. ستقوله حسبك quand on dit حسبي الله أي الله سبحانه وتعالى يكفيني. الله يمسفي. فقول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله أي الله يتسفي. tu as besoin de personne d'autre. فتوكل عليه لأن السيتواسة عقيدة أن الله عز وجل حسبك فستتوكل عليه لأن هو يكفيك من كل شيء. tu as besoin de quelque chose, الله te le donnera. si un ennemi veut te faire du mal, place ta confiance en Allah. الله سبحانه وتعالى il le repoussera. وهكذا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وكذلك النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن دي حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله اللي خسفي. وسيأتي إن شاء الله تنبيهنا قوله ومن اتبعك من المؤمنين. ne pas comprendre كما فهم البعض يا أيها النبي حسبك الله أي الله يتسفي. ومن اتبعك من المؤمنين أي كذلك أي تسفي. لا تقدم معنا أن هذا خاص بالله. فالمعنى سيكون يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي ceux qui te suivent parmi les croyants كذلك حسبهم الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فتح المجيد قال ابن القيم رحمه الله أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. vous avez remarqué que حسبك الله c'est pour النبي et c'est pour المؤمنين. لكن بعضهم ils ont lu le verset et ils ont compris يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله يتسفي et les croyants كذلك. لا لا الله يسفي pour le prophète صلى الله عليه وسلم et كذلك pour les croyants. هذا أما comprendre غير ذلك فسخطأ كبير كما قال ابن القيم رحمه الله خطأ محض. وقال ابن القيم غلط غلطا فاحشا. celui qui a compris le mauvais tafsir. من ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه أي الله يتسفي. لماذا؟ لأن tu places ta confiance en lui et كذلك les مؤمنين كأنهم c'est les مؤمنون qui vont أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى آخره. لا التوكل على الله وحده. فبيان كومبخوند هذه الآية وراجع كتب التفسير إذ إكسبليك هذا أون ديتاي. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فسي لا ميم شوز كو لو فيرسي كون فيان ديكسبليكي أي حسبك الله سي لا ميم شوز. وقوله رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري ومسلم. إبراهيم quand ils l'ont jeté dans le feu قال حسبي الله ونعم الوكيل. تأملوا على التوكل مع أن لا شك أن celui qui est jeté dans le feu ça va lui faire du mal. لكن من قوة توكله dans cette situation il a dit حسبي الله ونعم الوكيل. أي الله ما سوفي عز وجل. Il est capable de tout. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال يا نار كوني وردا وسلاما على إبراهيم. توكل عليه لا ثمرة de ce توكل le fruit de ce توكل أن الله سبحانه وتعالى نصره إلا سكوغي على الأعداء حتى la nature du feu normalement ça brûle. فأ ce moment, à cette occasion pour Ibrahim le feu il était bardan wa salam أي il était frais et مع ذلك سلام أي il lui a fait aucun mal. هكذا من توكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم كانت اجتمع الأعداء من كفار ويهود ومشركون إلى آخره pour lui faire du mal et ils ont essayé de lui faire peur. فقال عز وجل حين قالوا له نعم قال عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أي tout le monde s'est mis contre vous فاخشوهم أي rabaissez-vous أي دلسي هذا الدين إلى آخره أي لهم في بير. قال عز وجل فزادهم إيمانا هذا القول وهذا الحرب وهذا المكر أي tout le mal que les kuffars ont essayé de faire au prophète صلى الله عليه وسلم et les efforts qu'ils ont fait que ce soit في الأحزاب أو في أحد أو dans toutes les غزوات ça leur a rajouté إيمانا فلهذا ils ont eu le dessus. Qu'est-ce que tu veux que هذا العدو يفasse contre هؤلاء. Ils font des efforts pour leur faire du mal. Ils rusent laylan wa naharan. Et la foi des mu'minoun, elle augmente. Et ils ont peur de rien. Illa min Allah subhanahu wa ta'ala. Amma nahnu l'an, une petite chose. Rubbama khawf. Wa faza'a. Et de la division. Wa des rumeurs. C'est pour ça que tu trouves les mu'minoun, ils sont fida'av. Les ma'ada. Et anahum, ils ont un problème fit tawakkul. La fi ghayr. C'est pas un problème de nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient beaucoup moins nombreux, ils ont eu le dessus. Nous, on est extrêmement nombreux et on n'arrive pas à avoir le dessus. Ce n'est pas un problème de matériel. Là. Ce n'est pas un problème d'autre chose. Le problème, c'est fi at-tawakkul fi l'iman. Qawmun qui sont aqwiya fi al-iman wa at-tawakkul fi idnillahi azza wa jal, ils arriveront. Et ils auront le dessus sur l'adam, même s'ils sont plus nombreux. Même s'ils ont un matériel plus sophistiqué, plus développé. Ça ne changera rien. لماذا? لأن الله سبحانه وتعالى il est مع المتقين. Il est مع المؤمنين. مع المحسنين. Si Allah il est معنا, qu'est-ce que ce adou il va pouvoir faire? Même s'ils sont nombreux, même s'ils ont du matériel il a akhiré, ça ne changera rien. بل الله سبحانه وتعالى il donne le dessus à ses عباد. C'est sur ça qu'on doit travailler si on veut بإذن الله عز وجل avoir le dessus sur notre nefs, sur الشيطان et sur الأعداء من الإنس أو الجن. C'est un bab nafis. Amma bi hadhihi an-nuskha Cheikh Abd Rahman al-Sa'di, il y a pas de sharh, lakin dans une autre nuskha il y a un sharh. Allah al-musta'an, saqata al-sharh min hadhihi an-nuskha. Vous avez remarqué, ils ont cité les masail, thumma il y a un blanc dans notre page, thumma la page d'après, bab qawlillahi ta'ala fa aminu makrallahi ila akhir. Hakadha antum. C'est la même chose. Non. Enfin, c'est cette nusra qu'on a. Il manque le sharh. Lakin naqra min hadhihi an-nusra maktabat al-imam al-wadi'i rahimahullah. Ils ont كذلك publié, imprimé le livre. Et il y a le sharh. Et il est mukhtasar. Enfin, celui qui, comme c'est le cas pour vous, vous n'avez pas le sharh. Enfin, vous écoutez l'an. Thumma, si vous voulez. Vous imprimez sur internet, il y a le sharh, et vous imprimez cette page, ou le sharh, et vous le collez ici, ou vous le recopiez à la main, comme à Touridoun. Hamshay, vous devez savoir, anna y a un manque. Fanaqra min huna. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, bab qawlillahi ta'ala wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. At-tawakkul ala Allah min a'zam wajibat at-tawakkul wal-ihman. وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوي إيمانه ويتم توحيده والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. تن عبادة عظيمة من أعظم واجبات التوحيد والإيمان. C'est une des ibadas les plus importantes, at-tawakkul. Et plus l'insan il est qawi fi tawakkul, plus il aura des facilités dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Fi fi'l al-ibadat wa tark al-ma'asi wal-mukhalafat. Limadha li'annahu yatawakkal 'ala Allah. Kadhalik ça va lui être utile fi dunya. C'est pour ça que qala Cheikh Sa'di rahimahullah والاستعانة به في كل ما يريد فعله وتركه من أمور دينه أو دنيا. كم من الناس ont des problèmes في دنياهم à cause d'un manque de التوكل. Ils pensent que c'est Fulan qui donne ou c'est Fulan qui va lui retirer. أنه s'il n'écoute pas Fulan, il n'arrivera pas à faire telle chose. S'il ne fait pas telle chose, il n'aura pas de salaire, il ne trouvera pas de travail. S'il fait le hijra, Obama, il va mourir de faim. Oh, mais n'est-ce pas? S'il fait le hijra, il aura moins de choses. كلا في بلاد الكفر. من قال هذا؟ من الشيطان. الله سبحانه وتعالى وعد المهاجر في سبيل الله بيان سور أنه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول سلوك في الهجرة في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض يدخل في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أي دي فاسيليتي dans son دين et dans الدنيا. Et les deux risques qui sont cités, risque ad-dunyawi, et la nourriture, les boissons, il a akhiré. Et kadhalik ar-risque ad-dini, et l'iman ou l'ilm. Allah t'a promis les deux si tu fais le hijra. Limadha? Limadha kathir minna, quand on pense à la hijra, on a cette faiblesse. Et qu'anna on va partir en bilal kufr, on aura une diminution sur le risque. Li'anna c'est un manque de tawakkul. On est tous d'accord que Allah, c'est lui qui donne quand on est fait bilal kufr. Et on est tous d'accord que c'est Allah qui donne hatta fi bilad muslimin. Enfin, pourquoi quand on voyage, on aura une diminution vers le risque? Min ayn ja hada? Min ash-shaytan. C'est pour ça que les sahaba radiyallahu anhum, quand ils ont fait deux hijras, al-hijra ila al-habasha la première, thumma al-hijra ila al-madina, walhamdulillah, ils l'ont fait très simplement. Limadha li'annahum ils étaient aqwiya fi hada al-bab. Si on veut réussir, on a cité l'exemple de la hijra, et autres, on doit travailler ce point. Pourquoi certains frères, ils arrivent à faire salat à l'heure? Quand il travaille. Et si le travail l'empêche de faire le salat à l'heure, très simplement, il quitte le travail. Très simplement, sur le champ. Un an où je ne travaille pas, un an dans ce travail. Qu'est-ce que je veux pas ce salat? Allah, il m'a créé que pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je vais travailler sans faire salat. Je travaille pourquoi? Que pour manger. Là, on n'est pas des animaux. Tu trouves, عَدَ الْعَوَامَ مَسَاكِينَ خَاصَةً la génération de nos parents, qui barre le sin. بعضهم والله ils ont fait ils étaient sérieux dans le travail. بعضهم ils ont fait dans la même entreprise 30-40 ans sans faire le salat à l'heure. والله نعرف بعضهم انهم 30-40 ans dans la même boîte et ils faisaient pas jumu'ah. Vu qu'ils travaillaient du lundi au vendredi et pendant 30-40 ans sans faire salat le jumu'ah sauf pendant les vacances ou quand ils étaient en maladie. هذا c'est خطير هذا. كثير من هؤلاء c'était des جهال ربما ils savaient pas إلى آخره. أما من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسنة وبالعلم il doit faire attention. Cette vie, qu'est-ce que tu comptes de cette vie si pendant des années pas de salat à l'heure, pas de jumu'ah. وبعضهم ils ont travaillé ces 40 ans pour avoir la retraite. Ils ont commencé à peu près à 20 ans jusqu'à 60 ans. Arrivé à 60 ans, ils étaient tellement fatigués, tellement le travail les a usés, ils peuvent pas faire le hajj. لماذا لأن peut-être qu'ils ont essayé quand ils travaillaient et vu que ça tombait pas pendant leurs vacances ils ont pas pu. Là, ce travail c'est un obstacle pour Dieu. Travailler c'est طيب لكن il faut pas que ce travail ça soit un obstacle sur notre chemin pour évoluer في ديننا. Et celui qui fait des efforts comme من الإخوان ولله الحمد ils travaillent بعضهم ولله الحمد c'est devenu des أغنياء أثرياء devenu des riches. Et ils ont mal kadir. Alhamdulillah, ils font pas de concessions sur leur dîn. Salat à l'heure, jumu'ah, ils ont fait le hajj obligatoire. Il a alhamdulillah. Enfin, c'est pas incompatible le travail et l'application du dîn. Si tu trouves un travail qui te fait du mal à ton dîn, wallahi, c'est pas quelque chose de taillé pour toi ni pour tes enfants. Enfin, faire des efforts. Hein, le dîn, il faut des sacrifices. Et pour réussir à faire ces sacrifices, il faut du tawakkul. Sacrifice, c'est pas avec le courage, c'est pas avec la force. Les sacrifices, c'est avec le tawakkul. Et هذا الباب العظيم. نعم. قال الشيخ سعدي رحمه الله وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فتأملوا هذا التعريف. Il te cite حقيقة التوكل. C'est quoi le véritable التوكل؟ أي تعلم أن الأمر كله لله. C'est Allah سبحانه وتعالى qui fait ce qu'il veut. Il sait tout عز وجل. فلهذا faire des choses, des soi-disant causes pour si on prend l'exemple de risque et faire du haram, c'est un manque de tawakkul. Allah il sait tout, Allah il t'a ordonné de faire salat à l'heure et il t'a promis un risque. Ça, ça ne se contredit pas. Comme on a dit dans le dors précédent, la contradiction elle vient de nous. قال الشيخ سعدي رحمه الله وأنه هو النافع الضار المعطي المانع. C'est Allah subhanahu wa ta'ala النافع et qui peut te donner un bien. Maintenant un enfant ou du risque, ou la guider, ou autre. Al-dhar. Aïe, si Allah il a décrété qu'un mal il te touche, il te touchera. Mais l'abd, il ne peut rien te faire. Maintenant, on garde toujours notre exemple sur le travail. Ce kafir, il fait exprès de ne pas t'accorder de faire salat à l'heure. Exprès. Hatta yudayiq alayh. Et son but, c'est si tu ne travailles pas avec lui, tu n'as plus de risque. On qadr hada. Est-ce qu'il peut? Abadan. Tu fais le sabab, il ne veut pas que tu fasses salat. Quitte le travail, tu trouveras un autre, même s'il ne veut pas. Limada. Annafi' ad-dar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas hada al-bashar. Qala. Al-mu'ti al-mani'. Al-mu'ti, ça vient de l'ata, celui qui donne. Al-mani', ça vient de l'min'a. Aïe, celui qui retient, qui enlève. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر عظيم كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول vous connaissez le mot on dit فلان تحول ça vient du déplacement changé أي من حال إلى حال vous connaissez le mot حال مثلا حال المرض tu es malade ثم tu es guéri tu bascules في حال العافية والسلامة. فلا حول. Celui qui peut te faire basculer d'une situation à une autre, pauvreté, richesse, maladie, bonne santé, guidé, garment, il a akhiré, c'est Allah. لا حول ولا قوة. القوة c'est la force. Allah s'il décide quelque chose, elle arrive. Même si فلان من الناس il n'est pas d'accord. Enfin, quand tu dis لا حول ولا قوة إلا بالله, c'est كلمة عظيمة. C'est كلمة التوكل والإخلاص. Quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, مثلاً, si on travaille et واحد il nous combat dans notre dîn et il ne veut pas qu'on fasse salat à l'heure, il ne veut pas qu'on fasse jumu'ah, si on dit vraiment la hawla wa la quwwata illa billah avec notre cœur, avec notre langue et on comprend, alhamdulillah, je quitte ce travail wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aïe, j'ai plus de travail, Allah il est capable de changer ma situation et me trouver un travail meilleur. C'est ça, ma'na hadil kalima. Lakin, on a un manque ce genre de dhikr et de les prononcer et on a un taqsir fil fahm. Et on dit ces adhkar mais on a du mal à les comprendre et même si on les comprend on a un naqs fil tadabbur et méditer, réfléchir ne pas le dire seulement hakada faire du dhikr et penser à autre chose. Là, si tu dis la hawla wa la quwwata illa billah bi'ilm bi'yaqin, ça va t'ouvrir les portes à beaucoup de choses. Qala fa ba'd hadha al-'ilm ya'tamid bi qalbihi 'ala rabbihi fi jalb masalih dinihi wa dunyah. Si tu as cette aqida, en Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, celui qui donne, celui qui prend ila akhirih, après hadha al-'ilm ya'tamid bi qalbihi 'ala rabbihi. Son cœur ya'tamid 'ala Allah, la 'ala ghayr. Et tu trouveras, هذا الانسان, هذا البشر, il va être قوي. La pauvreté, ça ne lui fera pas peur. La maladie, ça ne lui fera pas peur. Les ennemis, ça ne lui fera pas peur. Foulan et le critique, ça ne lui fait pas peur. Sa famille le combat à cause du din, du ilm, ça ne le fait pas bouger. Mais il sait que c'est Allah qui est capable de tout. Mais Haoula, il ne leur donne aucune importance. Aucune importance. Comme les mouches, quand elles essayent de faire du mal à Wahid, et tu fais avec ta main, hakada. Qu'est-ce qu'elle va te faire une mouche ou un chien? Fais le mu'min avec l'a'da, hakada. Wallah, ils sont comme des mouches ou adhaf. Lakin pour celui qui a hada al-mu'taqad qala فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. avec tout ça il fait les أسباب النافعة des causes utiles اما des causes qui sont inutiles ou qui font du mal ça fait que du mal à l'insan. لكن أسباب نافعة. Il veut travailler, fait, il fait أسباب نافعة. T'es pas obligé de travailler avec un kafir, un mujrim, أولا. مثلا في بلاد المسلمين الصلاة c'est beaucoup plus facilité. Tu trouves rien dans, tu les vois dans un travail, c'est l'heure, ils font salat ensemble, jama'a, ou si un masjid, ils vont au masjid et ils reviennent. C'est des choses devenues, walillahi alhamd, très courantes. Même si dans certains endroits, حتى بلاد المسلمين يشددون dans الصلاة إلى آخره, لكن tu as beaucoup plus le choix. في بلاد المسلمين, la plupart des gens, والله الحمد, ils font salat الجمعة. حتى tu trouves les administrations dans beaucoup d'endroits et des commerçants إلى آخره, ils ferment pour le Jumu'ah. في رمضان, والله الحمد, il y a des facilités. حتى certaines entreprises, ou حتى الإدارة les administrations, ils ont des horaires spéciales pour رمضان. Ils font plus la coupure du midi pour manger, les anahususiyat, et ils ont une journée sans pause, elle est plus courte. Tu as le temps de te préparer, de. Il a arrêté une ni'ma. Enfin, qui c'est qui nous a imposé de travailler عند الكفرة et ils nous mettent des bâtons dans les roues في ديننا? لا أحد. فالحقيقة الأسباب نافعة موجودة. لكن il faut du tawakkul على الله. Et faire هذه الأسباب بصدق. Et patienter. أحيانا, ربما tu fais السبب et et ça marche pas, ou c'est pas comme tu veux, لكن c'est une épreuve. Est-ce que tu es sadiq amla? Est-ce que tu es véridique amla? Si tu patientes, wallahi alhamd, Allah karim, yaftah lak al-abwab. Qala, famata istadama al-abd hadha al-ilm wa hadha al-i'timad wa al-thiqa, fa huwa al-mutawakkil 'ala Allah haqiqatan wa yubshir bi kifayati Allah lahu wa wa'dihi lil-mutawakkilin wa mata 'allaqa dhalika bi ghayri Allah fa huwa mushrikun. تقدم معنا التفصيل. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة سين عبادة سين بخبني قسم. قال وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتقين حسبي الله ونعم الوكيل. celui qui place sa confiance en Allah, فالله كافية الله il lui suffit, il a besoin de rien d'autre. قال ووعده للمتوكلين. نعم وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين. et beaucoup de ayats qu'on a vu et d'autres. قال وما تعلق ذلك بغير الله فهو مشرك. s'il place sa confiance en autre qu'Allah, يتوكل على غير الله, فهذا c'est du shirk. si c'est dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut donner, comme le mithal qu'on a cité, c'est du shirk akbar. et si c'est dans une chose, c'est un sabab ظاهر واضح, لكن il exagère في هذا السبب, ça c'est du shirk asghar. قال ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. والله المستعان. من توكل على غير الله. celui qui s'accroche, qui place sa confiance en autre qu'Allah سبحانه وتعالى, وكل إليه. et il est délaissé avec cette chose sur laquelle il s'accroche. c'est pour ça que tu trouves بعض الناس tellement qu'ils s'accrochent au travail, Allah سبحانه وتعالى il les délaisse. لماذا؟ لأن leur cœur il est accroché à ce travail. et ربما ce travail, ça s'arrête. Ou il se fait renvoyer et عياذ بالله, ils désespèrent. وعدهم, ils ont mis fin à leur jour. Pourquoi? لأنهم, ils ont plus ce tawakkul. Et tellement qu'ils se sont accrochés, عياذ بالله, comme a dit le Cheikh Saadi, وخاب أمله. خاب, ça vient de الخيبة. Quelque chose de mauvais. Et sa situation, elle est critique, عياذ بالله. On fait des efforts. في هذه الأعمال القلبية. Que ce soit la mahabba, que ce soit le khouf, comme on a vu, que ce soit le tawakkul, que ce soit le raja. قبل ذلك الإخلاص. هذه الأعمال c'est très très important. فالسني السلفي طالب العلم il fait des efforts sur الأعمال القلبية الباطنة l'intérieur الإخلاص والتوكل إلى آخره. tout ça tu le travailles في كتب التوحيد. et كذلك il fait des efforts l'apparence. عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين. ça englobe l'apparence est ce qui est intérieur. Les deux. Ce qui est apparent, tu l'apprends en général, fi kutub al-fiqh, comment t'habiller, comment faire salat, il a akhiré, et kadhalik les œuvres du cœur. On néglige pas les deux. Alors, les gens, ils prétendent travailler leur cœur. Yaquluna al-iman fi al-qalb, la foi, c'est dans le cœur. Ils font aucun effort dans l'apparence. Et en général, hatta, ce qu'ils appellent la foi dans le cœur, ils connaissent pas haqiqatul iman. Ils connaissent pas ces mots. Tu trouves, les ils font des efforts dans l'apparence. S'habiller à la sunna, ila akhiri, ça c'est tayyib, c'est muhim. Lakin, ils ont un naqs. Fima yata'allaq bi a'mal al-qalb. Là, tu trouves un khalal après. Tu trouves un khalal fi tawakkul dans le comportement. Rubbama, l'apparence, c'est sunna. Lakin, l'a'mal, c'est des a'mal. Tu khalif le sunna. Pourquoi les annaoui y'a un taqsir? Al-muwaffaq, c'est celui qui fait des efforts dans les deux. C'est-à-dire, comment faire des efforts dans les deux? Utlub l'ilm. Aïbi tadarruj. Ne te précipite pas. N'étudie pas l'ilm seul. Reviens à ahl l'ilm. Reviens à talabat l'ilm, l'akhiyar. Et écoute les conseils et ne te précipite pas. Et livre après livre, fais des efforts dans la mémorisation et suis un barnamaj, un programme. Et la langue arabe, et kadalik, ne pas négliger le tawhid, c'est muhim. Et des durus fil aqida, kadalik, apprendre les ibadat que tu fais tous les jours, min salat, ou quand c'est le siyam, il approche, tu apprends comment faire le siyam, si tu fais le hajj, tu apprends comment faire le hajj, ou hakada. Kadalik, on donne du temps à tafsir le Coran, c'est muhim. On commence par le Fatiha, on la récite tous les jours. Kadalik, tafsir al-Adhkar, qu'on récite tous les jours. Et il y a des livres tayyiba fi hada. Kadalik, étudie shay min sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta on connaît la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des exemples. Comment il faisait telle chose, comment il s'est marié, comment il a fait le jihad, comment il travaillait, comment il a akhiré alayhi salatu wa sallam. Et tout ça, bi'idnillahi azza wa jal, ça va guider ce mu'min, bi'idnillah, dans tous les points. Amma basculer que d'un côté, j'apprends que ça, et je délaisse le reste, ça donne un taqsir kabir. Et inshallah, dans nos durus, on essaye de varier, et de faire petit à petit, wallahilhamd, on a bien avancé fi tawhid, et si on finit, inshallah, on essaiera de faire des autres durus pour compléter, li anna c'est mu'min, que ça soit tawhid ou autre. نكتفي بهذا le prochain dars, le deuxième dars sur les règles du mariage بإذن الله on le fera la prochaine fois لأني تعبت قليلا et on le fera inshallah on est quand jeudi نعم on le fera mardi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب